méprise sur le coupable. Rémi, un agriculteur des environs de Montpellier, vient de vivre une aventure peu banale. Encore sous le coup de l'émotion, il la raconte successivement à 4 personnes. Voici un extrait de chacun de ces 4 récits. À vous de reconstituer la chronologie de l'aventure de Rémi. Premier extrait, 1h de l'après-midi, Rémi rencontre un ami. Hé Rémi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et vers midi, je passais devant le Crédit Agricole de Mazac. Je t'ai vu dans la voiture des gendarmes. Tu avais l'air embêté. Ne m'en parle pas. Ils m'ont pris pour le type qui ce matin attaquait le Crédit Agricole de Bayargues. Ils croyaient que je voulais faire le même coup à Mazac. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ils te connaissent pourtant au Crédit Agricole de Mazac. Oui, mais c'était une remplaçante. Il faut dire que je devais avoir l'air un peu louche. J'étais en tenue de travail pour aller au champ et j'avais sous le bras un cardan de tracteur enveloppé dans un plastique. Puis avec ma barbe, tu vois. Hein? Quand j'ai sonné à l'entrée, elle a refusé de m'ouvrir. Mais tu n'as pas insisté? Ben non, parce qu'en fait, je n'avais rien à faire à la banque. Je cherchais Geneviève. Alors après avoir jeté un coup d'œil par la vitre et vu qu'elle n'était pas là, je suis reparti. J'ai pensé qu'on ne m'ouvrait pas parce que l'employé était occupé. Je sais pas. Aïe, aïe, aïe. Deuxième extrait. Une demi-heure plus tard, Rémi raconte son aventure à son fils. Figure-toi que ce matin, je prends le tracteur. Je m'aperçois qu'un des cardans est cassé. Alors je me dis, je vais en acheter un autre à Montpellier. Mais pour être sûr de trouver la même pièce, je démonte le cardan et je l'enveloppe dans un sac en plastique. Mais je pouvais pas aller à Montpellier avec la 2 chevaux, elle a pas de frein. Alors j'ai décidé d'aller tout doucement en 2 chevaux jusqu'à la pharmacie de ta mère pour lui emprunter la BMW. Troisième extrait, la sœur de Rémi, alertée, vient aux nouvelles. Non mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi tu t'es pointée au Crédit Agricole avec un cardan sous le bras. Mais parce que je voulais le mettre dans la BMW. J'avais garé la 2 chevaux sur la place, j'avais sorti mon cardan et j'étais allé à la pharmacie. Et là, l'assistante de Geneviève m'avait dit qu'elle est allée au Crédit Agricole. C'est à 20 mètres, je suis allé voir. Quand j'ai vu qu'elle n'y était pas, je suis retourné à la pharmacie. Et juste à ce moment-là, Geneviève arrivait. Elle était allée faire une course. Elle m'a donné les clés, je suis parti dans la BMW qui justement était garée devant le Crédit Agricole. Tout ça n'a pas pris 3 minutes. Quatrième extrait, Mathieu, le frère de Rémi, vient d'arriver. Mais enfin les gendarmes, ils te connaissent ici. Ils savent bien que tu n'es pas un voleur. Oui, mais ils ne savaient pas que c'était moi. Tout ça à cause de la fille de la banque qui a complètement paniqué. On venait juste de lui annoncer qu'un type mal fringué, barbu, avait fait un hold-up à Bayargues. Qu'il était entré avec un fusil enveloppé dans un plastique et qu'il s'était enfui dans une BMW bleu marine, immatriculée dans l'Hérault. Quand elle m'a vu, elle a cru que c'était lui, elle a déclenché l'alarme. Je la comprends, remarque. Oui, mais les gendarmes, quand ils ont identifié le numéro de ta voiture, ils ont bien vu qu'elle t'appartenait. Oui, au début, ils ont cru qu'on me l'avait volée. Mais au fur et à mesure qu'ils interrogeaient les gens, ils se sont aperçus que c'était bien moi qui étais venu à la banque. Et même Geneviève l'a confirmé. Et moi, pendant ce temps, je me doutais de rien. Je suis même resté plus longtemps que prévu à Montpellier, parce que j'ai rencontré un copain que je n'avais pas vu depuis 6 mois. Et on allait prendre un café ensemble. Mais alors, je te dis pas quand je suis arrivé. Là, les gendarmes, ils te connaissent plus. Il a fallu que je détaille mon emploi du temps de la matinée à la minute près.